Les yeux ouverts ou les yeux fermés, j'ai beau regarder en face ou derrière moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, et où on va surtout. Non, et dans tout ça, les machines, les hommes, les choses qui s'enchaînent, les choses qu'on essaie de comprendre, les choses qu'on essaie de digérer. Merde, dans tout ça je suis quoi, dans tout ça je fais quoi, et où je m'en vais surtout. Gladiateur dans une arène, ma fille bataillée en vain. Je ne plus être spectateur, mais en tenir les rênes. Non, non je peux pas supporter que l'argent des fans de moi soit le moteur de mes envies. D'être toujours à la quête d'un Eldorado, de m'accrocher un radeau à la dérive, et de voir que c'est les mêmes qu'on prive, les mêmes qui restent en marge du système, les mêmes qui récoltent la merde comme si on la sème pour pas qu'on s'en sorte. Alors je me battrai jusqu'au bout, même si je sais que la mort l'emporte. Maintenant sans criant qu'on se fait entendre, mieux vaut agir en dur qu'entendre. Éviter les pièges et être prêt à entendre. J'ai vu des textes sous mon stylo net, dur sur des kilomètres, à dénoncer avec rage des kilos de traite. La chance, je crois que c'est elle. Elle m'a gardé debout toute ma vie dans ce monde réel. Ouais, je crois que c'est elle. J'aurais pu sombrer dans une violence qui se banalise, canalise les jeunes vers une fausse analyse. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens, à quoi sert de ma vie et avancer en homme libre. Rien fait bander, toujours les mêmes sur le bandé. Accusés à se demander si ma voix est d'être amendée. J'suis comme un dingue, toxine d'une vie sans résolution. Le flex plein, reste sans solution, pas d'évolution, sans révolution. Et si on est douce, tu crois que c'est quoi, hein? C'est qu'on a compris, y'en a trop de prix, faut s'approprier jusqu'à nos labos. À quoi sert de ma vie si on ne peut se reconnaître en moi et que je meurs dans l'oubli. Ma mémoire est dans les règles d'un jeu faussé, marqué à vif par cet état, sorti des sentiers. Je cherche l'indépendance, conduire ma vie comme un vrai pilote, ayant des hauts et des bas, en dents de scie, il faut que je pianote. J'exhorte ma haine dans les sous mon chaotique. En basse me zone, je tiendrai bien le rôle du sale type. Énergie, je suis prêt à l'ultra choc. Je vais pas finir sur une chaise en train de griller à plus de 100 000 volts. À quoi serait-ce ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi serait-ce ma vie à me battre pour les miens et avancer en homme libre. À quoi serait-ce ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi serait-ce ma vie à me battre pour les miens, à quoi serait-ce ma vie et avancer en homme libre. À quoi se résume ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter le désastre. C'est peut-être une ambition désuète, comme trouver un collier de perles dans des huîtres. Tant pis, j'y crois même si ça se fera, et je le crie haut et fort, et ce même si ça fait rire. Les scélérats, mais je veux pas baisser les bras, car il nous reste encore tellement de choses à célébrer. Donc autant à accomplir, car je refuse de me complaire dans cette situation qui fait qu'on pleure et qu'on déprime chaque jour un peu plus. Car là où nous sommes, le bonheur a peu de place. Dans les yeux des miens, il y a souvent la déception, mais à cette règle, il y a toujours une exception. Et si j'échoue, c'est après avoir tout essayé, la sueur, les larmes, le sang, après avoir tout essuyé. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens, à quoi sert de ma vie et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens, à quoi sert de ma vie et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens et avancer en homme libre. À quoi sert de ma vie si ce n'est ouvrir les yeux des autres, slalomé entre les obstacles. À quoi sert de ma vie à me battre pour les miens, à quoi sert de ma vie et avancer en homme libre.